بسم الله الرحمن الرحيم. في اليوم ندخل في مسألة الرابعة والسبعين بعد المئة في قوله تعالى وَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Dans le sens où Allah dit que l'homme n'aura que ce à quoi il s'est forcé d'agir. C'est-à-dire que tu n'auras rien d'autre que ce que tu t'es forcé d'agir ou d'accomplir ou d'obtenir. Toi. An-Najm, verset 39. قال رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل على أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره وقد جاءت آية أخرى تدل على أن بعض الناس ربما انتفع بعمل غيره ويقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان فرفع درجات الأولاد سواء قلنا إنهم الكبار أو الصغار نفع حاصل لهم وإنما حصل لهم بعمل آبائهم لا بعمل أنفسهم. Donc il dit, ce noble verset démontre que personne ne peut tirer profit des actes d'autrui. Personne ne peut tirer profit d'actes d'autrui. Et d'autres versets pourtant, ou plutôt un autre verset est venu démontrant que certaines personnes ont tiré profit des actes d'autrui. Dans le sens où Allah dit, et ceux qui ont cru, nous leur ferons suivre leur descendance, hein, par la foi qu'ils avaient. C'est-à-dire, cette masala-là, on l'avait déjà pris précédemment, Kazalik. Sur la tour, verset 21. Que les descendants, certains vont suivre leur père, du fait qu'ils étaient croyants comme eux, par rapport aux actes bons de leur père. Donc le fait d'élever en degré les enfants, qu'ils soient grands ou petits, cela est une chose dont ils tirent profit, et cela n'a eu lieu que par les œuvres de leur père, pas par eux-mêmes. Donc là, on a comme un effet de contradiction. قال اعلم اولا انما روي عن ابن عباس من ان هذا كان شرعا لمن قبلنا فنسخ في شرعنا غير الصحيح بل ايه وان ليس الانسان محكمه كما ان القول بان المراد بالانسان خصوص الكافر غير الصحيح ايضا. Il dit d'abord, sache que ce qui est rapporté d'Ibn Abbas, qu'il aurait dit que cela était dans la législation de ceux qui étaient avant nous et que chez nous cela a été abrogé. Que ce qu'on l'a rapporté de Mnurbès, il n'est pas authentique. Mais que le verset, disant que l'homme n'aura que ce à quoi il s'est forcé, c'est un verset qui est toujours effectif. Et certains, ils ont dit que l'insane dans ce verset, ce qui est voulu par là, ce sont les mécréants. Il dit également que cette parole-là n'est pas authentique. Et de là, il va apporter la réponse. Il dit, Wal jawabu min salasi awjo. Il va répondre à cela de trois façons. الأول أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره لأنه لم يقول وإن لم ينتفع الإنسان إلا بما سعى وإنما قال وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وبين الأمرين فرق ظاهر لأن السعي لغير ملك لسعيه إن شاء طيب إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير وإن شاء أبقاه لنفسه. Donc déjà en premier lieu, il faut savoir que le verset démontre simplement le fait que la personne n'obtiendra rien d'autre qu'est-ce qu'elle aura fait elle-même, ne possède rien d'autre qu'est-ce qu'elle aura accompli elle-même, mais ne veut pas dire que autre ne peut profiter ou tirer profit de ce que autrui aura accompli. Différence entre le fait que ce que tu as, ce que tu possèdes, ne vient comme récompense que ce que tu as accompli. Mais cela ne veut pas dire que ton acte ne peut pas accorder de profit aux autres. C'est ça qu'il veut dire par là. Car le verset ne dit pas que personne ne tire profit de cela, mais seulement que tu n'obtiendras que ce que tu auras accompli. Donc il y a une différence entre les deux choses. Différence entre les deux points. Car il se peut que quelqu'un fasse un acte et en fasse profiter à autrui, tout comme peut qu'il fasse un acte, et il le garde pour lui-même. Naam. قال وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له والحج عنه ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغيب فيه. Et les ulama, ils sont unanimes dans le fait qu'il se peut que le mort tire profit de la salat que l'on fait sur lui, ou que le dua que l'on fait pour lui, ou que le hajj, pour celui qui n'a pas fait le hajj, et pour qui on fait le hajj après sa mort, il en tire profit également. Donc cela prouve quoi? Qu'il aura tiré profit des actes d'autrui. Et là-dessus, il n'y a pas de khilaf. Donc ça, c'est la première réponse. الثاني أن إيمان الذريه هو السبب الاكبر في رفع درجاتهم اذ لو كان كفارا لما حصل لهم ذلك فايمان العبد وطاعته سعي منه في انتفاعه بعمل غيره من المسلمين. Donc la deuxième réponse c'est que la foi accordée justement à la descendance c'est la plus grande cause qui fasse qu'ils aient été élevés en degré. Car s'ils avaient été des koufars, ils n'auraient jamais pu obtenir cela. Donc cela prouve bien que la première chose, c'est que la descendance de ses pères, ces descendances-là, la cause qui leur a accordé l'élévation en degré, c'est leur foi. Donc cette foi et cette obéissance sont un effort qu'il aura accompli. Sont un effort qu'il aura accompli et par lequel d'autres peuvent tirer profit. Quand la commune waqa'a fi salat fi al-jama'a, فإن الصلاة بعدهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على الصلاة منفردا وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه وصلاته في الجماعة وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان. Donc il dit tout comme par exemple la salat en jama'a que l'on fait en groupe, cette salat chacun tire profit de la présence de l'autre. Et cela apporte plus de récompenses, contrairement à celui qui fait cela tout seul. Ce qui prouve bien que la présence d'autrui, dans la foi, peut apporter profit aux autres. Naam. Qala wa thalith, troisième réponse. Anna as-sa'i allazi hasala bihi raf'u darajat al-awlad laysa lil-awlad kama huwa nassun qawlihi ta'ala wan laysa lil-insani illa ma sa'a walakinahu man sa'a wa min sa'i afwan min sa'i al-aba وهو السعي للآباء فأكرر الله عيونهم بسببه. Il faut savoir une chose, que justement cet effort fourni par lequel les enfants ont obtenu l'élévation en degré, cela n'est pas pour eux. À la base, les pères ne l'ont fait que pour eux-mêmes. Cependant, pour que Allah les réjouisse de cet acte qu'ils ont accompli, de ces actes qu'ils ont accomplis, et qu'ils en tirent une joie, d'accord, ils en tirent une joie, ils en soient réjouis, Allah leur a permis, par cela, que leurs enfants les suivent et soient élevés en degré. C'est-à-dire une forme d'encouragement encore plus. فانتفاع الأولاد تبع فهو بالنسبة لهم تفضل من الله عليهم بما ليس لهم كما تفضل بذلك على الولد الولدان والحول العين فالخلق الذين ينشئهم الجنة والعلم عند الله تعالى. Donc il dit que le fait que ses enfants ont été élevés en degré vers au Jannah, c'est pour que justement ces pères qui accomplissent ces actions-là, qu'on dit pères, ça englobe également les mères, pour dire en fait ceux qui ont instauré une famille. Non. Mais Abba, ça englobe les mères également. Donc il dit que cette évaluation des enfants, qu'ils atteignent le niveau de leurs parents dans le Jannah, c'est pour que les parents, pour les actions qu'ils auront accomplies, les efforts qu'ils auront fournis, ils en soient récompensés. Donc les versets se confirment les uns les autres et il n'y a pas de contradiction entre eux. Car le sens voulu par le raf, l'élévation, c'est le fait qu'ils sont honorés. C'est le fait d'honorer les pères et mères et non pas les enfants. Mais le fait que les enfants ont été eux-mêmes élevés en degré, cela n'est qu'un suivi. D'accord ? Mais le but n'est pas d'honorer les enfants, mais d'honorer les pères et les mères. Donc par rapport à ces enfants-là, cela est une grâce d'Allah Azzawajal qui leur a été accordée. Mais en réalité, la vraie récompense et la vraie cause, c'est les efforts fournis par les parents. Masalen, comme il a comporté cette grâce à ses jeunes enfants, ces Wilden qui seront au Jannah, qui seront des serviteurs pour les gens du paradis. Ou alors, les Hulun'in qui seront accordés aux hommes. D'accord ? C'est un tafaddul pour elles qu'elles soient au Jannah. Pourtant, à la base, elles n'ont rien commis comme acte qui fasse qu'elles soient au Jannah. Mais que Allah Azzawajal les a mises là pour faire plaisir aux croyants qui seront au Jannah. Donc elles ne sont pas là par leurs actes à elles, car elles ont écrit au Jannah, mais elles sont là, attribuées en récompense aux croyants pour ce qu'ils auront accompli comme effort en cette dunya pour Allah Azzawajal. Donc là, c'est une situation qui est similaire. par rapport aux pères et aux enfants. قال ابو العلم عند الله تعالى وسبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.